Chapitre 7e, le chant d'Atterley. La petite société réunie dans le salon de Madame Ashley était fort joyeuse. Les rires, les causeries, les jeux, les gages à racheter leur faisaient rapidement passer la soirée. Madame Ashley, assise à part, une broderie à la main, disait de temps à autre un mot ou souriait à Louis de quelque éclat de rire plus bruyant. Ils étaient assis tous les cinq en rond. Marie entre William et Herbert, Anna entre Herbert et Henry, Henry et William à côté l'un de l'autre. L'aiguille de la pendule sonna 8h30, William se leva. Déjà si tard, qui l'aurait cru? Il faut que je vous quitte pour une demi-heure. Pourquoi donc? S'écria Henry. Pour aller chez Matisse, je ne m'arrêterai pas longtemps. Henry recommença cette guerre dont avait parlé Herbert. William sourit, et de son air tranquille. Je leur ai promis d'y aller ce soir, dit-il. J'ai donné ma parole sans condition. J'irai seulement pour leur dire que je n'irai pas. N'aie pas l'air si grognon à Henry. Naturellement, tu ne reviendras pas, gronda Henry. Quand tu y seras, tu y resteras. Je t'ai déjà dit que non, mais si je les laisse sans moi toute la soirée, ils m'attendront et ne feront rien de bon. Il quitta la maison. Au portail, il rencontra M. Ashley qui revenait de la manufacture. Vous partez déjà, William? S'écria-t-il. Pas pour longtemps, monsieur. Je vais seulement jusque chez Matisse. Votre plan réussit-il? Pouvez-vous intéresser les ouvriers? Mais oui, monsieur, j'ai beaucoup d'espoir. Il n'y a rien de tel que l'espoir, dit M. Ashley en riant. À propos, William, ajouta-t-il en changeant de ton, j'ai quelques mots à vous dire. Je voulais le faire cet après-midi, mais j'en ai été empêché. J'ai changé d'idée quant à ce voyage de Lyon. Au lieu de vous envoyer, comme je l'avais pensé, j'enverrai Samuel Lynn. M. Ashley s'arrêta. William ne répondit pas tout de suite. Samuel Lynn a plus d'expérience que vous. Il verra mieux que vous ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Très bien, monsieur, répondit à la fin William. Vous parlez comme si vous étiez désappointé, remarqua M. Ashley. William était désappointé, en effet, mais son désappointement était bien plus profond que ne le supposait M. Ashley. J'aurais beaucoup aimé aller en France, mais naturellement mes goûts n'ont rien à faire avec ce voyage. Peut-être es-tu le si bien que je n'y aille pas, reprit-il, comme en se parlant lui-même. Je ne vois pas comment les ouvriers se passeraient de moi chez Matisse. Oui, c'est une grave considération, répliqua M. Ashley en riant et en quittant le portail. William était resté cloué sur place, regardant M. Ashley. Une idée fort peu souriante lui traversait l'esprit. Il s'enlaça après M. Ashley en s'écriant. Monsieur, le soupçon qui m'était jeté à l'occasion de la disparition de ce billet n'a pas été la cause de votre refus de me confier cette mission. M. Ashley le regarde avec surprise. Sans l'agitation de William, sa respiration haletante, ses paroles entrecoupées, il aurait répondu par un éclat de rire. « William, vous êtes ridicule. On ne vous a pas le moins du monde soupçonné. Vous n'avez jamais approfondi l'affaire, monsieur. Vous ne m'avez jamais dit que vous étiez satisfait de ce que je n'y étais pas mêlé, » insista William. « Où en était la nécessité ? » ?»« Mais, William, mes relations journalières avec vous ne sont-elles pas la preuve que vous avez toute ma confiance ? » Vous admettrez chez moi, dans la société de mes enfants, si je n'avais plus de foi en vous. C'est vrai. » Aboie William qui commence à se remettre. C'est une pensée qui m'est venue, quand vous m'avez dit que je ne ferais pas ce voyage. Je ne voudrais pas croire que vous doutez de moi, je ne pourrais pas le supporter. William, vous m'avez reproché de ne pas avoir approfondi. Je vous demande pardon, monsieur. Je n'ai jamais songé à vous faire de reproches. Je ne me le permettrai jamais. De n'avoir pas approfondi l'affaire, répéta M. Ashley. Il me vient parfois une pensée fort désagréable à ce sujet, et je ne tiens pas à aller au fond. Avez-vous quelques soupçons? La question prit William par surprise. Il balbutia. Non. Je vous demande si vous avez quelques soupçons, répéta tranquillement M. Ashley, comme s'il n'avait pas entendu la réponse. J'ai eu un soupçon, monsieur, mais c'en est un que je n'aimerais pas vous communiquer. Cela me suffit. Blanc a volontairement renoncé à l'argent. Il est venu me le dire, ce qui me fait soupçonner qu'on le lui a rendu en secret. Monsieur Dare m'a conseillé de ne pas pousser plus loin mes investigations, puisque je ne perdrai rien. Et Delves m'en a dit autant. Cependant, je vois assez clairement ce qu'il en est, et je ne tiens pas à en savoir davantage. Êtes-vous content, William? Il s'interrompit. William attendait. Allons, ne faites plus l'enfant. Nous nous comprenons, William. Je commence à vous aimer presque autant qu'un de mes enfants. « Je suis fier de vous, et je le serai encore plus maintenant. Dieu vous bénisse, mon garçon. » Il était si rare que le calme indigne Thomas Ashley se laissa aller des démonstrations pareilles que William immobile écoutait et regardait. Quand il revint à lui, la porte de la maison se refermait. Il partit à la hâte et passa chez lui. À parler franchement, il était aussi désireux de retourner chez M. Ashley que Henry l'était de le voir revenir. S'arrêtant à peine pour dire un mot à sa mère, il ouvrit un tiroir, prit une petite boîte de fossiles et chercha un objet qu'il ne parvenait pas à trouver. « Quelqu'un de vous a-t-il vu mon microscope ? » demanda-t-il en se tournant vers les pensionnaires. Jane leva les yeux. « Je l'ai prêté aujourd'hui à Patience, mon cher. Je suppose qu'elle a oublié de le rapporter. Garde à le lui demander. »« Ne te dérange pas, garde, » dit William. « J'y vais moi-même. » Patience était seule dans son salon. Elle lui remit le microscope en lui disant qu'elle n'avait pas le temps de s'en servir. « Tu es en tenue de soirée, » remarqua-t-elle. « Je vais chez Madame Ashley. Merci. Bonsoir, Patience. Attends un instant, William. » Anna est-elle prête à rentrer ? Non, pourquoi ? Je voudrais la faire chercher. Samuel passe la soirée en ville. Il faut que j'envoie Grace et je ne tiens pas à l'envoyer tard. Elle ne manquera pas de rencontrer John Pembridge s'il sort quand il a fini son ouvrage. William sourit. Il est tout naturel qu'elle aime à causer avec lui, Patience. Quand se marieront-ils ? Bientôt, répondit Patience d'un ton moins calme que d'habitude. Patience ne voyait pas avec plaisir les mariages en général, et celui de Grace en particulier. Elle nous quitte dans une dizaine de jours, et toutes ses pensées se rapportent à John Pembridge. Pourrais-tu ramener Anna ? Avec plaisir, répondit William. C'est bien. Grace ne mérite pas de sortir ce soir. Elle m'a contrarié aujourd'hui. Bonsoir, William. La boîte à fossiles à la main et le microscope dans la poche, William alla en courant en Hanifer. Robert, Étienne, Crouch, Robinson, Brum, Cartier, Cross et une demi-douzaine d'autres ouvriers étaient réunis autour de la table de Robert. William leur tendit les fossiles et le microscope, leur dit de s'en amuser ce soir-là, leur promettant de le leur expliquer le lendemain. Il avait toujours soin que ses ouvriers eussent quelques sujets qui éteint leur intérêt en éveil. Avant qu'une demi-heure se fût écoulée, il était de retour chez M. Ashley. Les jeux avaient été abandonnés et Marie était au piano. Quand William entra, elle chantait un duo avec Herbert. Anna, la désobéissante Anna, écoutait de toute son âme la figure radieuse de désir. « Vous devriez chanter, » lui dit tout bas Henry quand le duo fut achevé. Anna secoua la tête. « Je ne dois pas essayer, » répondit-elle en levant sur lui ses yeux bleus. « Le temps viendra où vous oserez, » reprit Henry plus bas encore. Elle ne répondit pas et baissa les yeux, mais un léger sourire monta sur ses lèvres roses, un sourire qui semblait exprimer la conscience que ce moment viendrait en effet. Et Henry, timide et sensible, restait à la regarder, le cœur palpitant. « Mademoiselle, » dit William en s'avançant vers elle, « savez-vous qu'un honneur spécial m'a été conféré aujourd'hui, un honneur qui vous touche de près ?» Anna leva les yeux, elle était aussi à l'aise avec William qu'avec son père ou Patience. « Que dis-tu, William ? Un honneur ? Celui de vous ramener chez vous ?»« Pourquoi donc ? » interrompit Anne. « Où est mon père ? Il n'est pas à la maison ce soir, et Patience ne tenait pas à envoyer Grace. Je prendrai soin de vous. » Quoique William ne la regarda pas à dessein, il ne put s'empêcher de remarquer la rougeur subite, l'éclair de plaisir, qui traversa la figure d'Anna à cette nouvelle. « Pourquoi cela ? » pensa-t-il. Mais Marie se mit à chanter et il oublia tout cela. À 10 heures, William, Anna et Herbert, qui profitaient de l'occasion pour faire la route avec eux, se disposèrent à partir. Henry se glissa dans le corridor et attirant William à part. « Tu m'as donné ta parole d'honneur, mon ami. » William ne comprit pas. « Ma parole d'honneur, que veux-tu dire ? » ?»« Tu ne vas pas lui parler d'amour en la reconduisant ?» William ne put s'empêcher de rire et regarda Henry. « Sois tranquille. » « Je ne lui en parlerai pas alors même que toute la société des Quakers réunie en conclave m'en donnerait pleine et entière permission. »« Crois-tu donc que je n'ai pas vu comme elle a rougi quand tu lui as dit que tu la ramènerais ?»« Je l'ai vu aussi. » »« J'en ai conclu qu'elle était bien aise que son père ne vint pas la chercher. »« Mais sois tranquille. Il est bien sûr que ce n'était pas à cause de moi. » Lui serrant chaleureusement la main, comme un véritable ami seul pouvait le faire, William partit. Il était temps. Herbert et Anna avaient pris les devants. « Vous êtes bien poli, » leur cria William en les rejoignant. « Anna, si vous étiez cassé la tête en tombant dans cette partie de la route que l'on répare, j'en aurais été responsable. Vous auriez pu m'attendre. » Il parlait avec un accent de bonne humeur. Herbert lui répliqua avec hauteur. Croyez-vous que je ne sois pas capable de prendre soin de Mademoiselle Lynn tout aussi bien que vous ? C'est possible, répondit William sans perdre sa gaieté. Alors Martha avait offert son bras à Anna. William marchait de l'autre côté. Ils atteignirent ainsi la maison de M. Lynn. Bonne nuit, dit Herbert en serrant la main à Anna. Bonsoir, Halliburton. Bonsoir. Herbert partit en courant. William frappa, puis toucha la main à Anna et la vit rentrer. Frank et Gar fermèrent leurs livres quand il arriva. Les pensionnaires étaient couchés. Jane, chose bien rare pour elle, était assise près du feu, les bras croisés. « Ne suis-je pas bien paresseuse, William ? » dit-elle. « Tu n'as pas besoin de travailler, mère, » répondit-il en l'embrassant. « Oh, William, tu sais bien que personne n'a le droit de ne rien faire, personne au monde, mais j'ai mal à la tête ce soir. »« William, » lui dit Gar, « Tom Matisse a rapporté ton microscope et ta boîte de fossiles. »« Tant pis, il faudra que je le reporte demain soir. » Patience m'a dit qu'elle n'avait pas eu le temps de se servir du microscope. Je m'en vais le lui porter. Je crois qu'elle a acheté du linge et qu'elle veut voir si les fils en sont égaux. Les lignes seront couchées à 7 heures, dit Jane. Pas ce soir. Je viens de ramener Anna de chez Madame Ashley, et Monsieur Lynn a soupé en bile. Il sortait de la chambre avec le microscope, mais Gar demanda à regarder les fossiles, et William dut attendre quelques instants. Patience m'a lui ouvrir, elle le remercia et resta quelques instants à causer. « Ne veux-tu pas rentrer ? Pas maintenant. Bonsoir, Patience. Bonsoir. Renvoie-moi Anna, s'il te plaît. Elle cause bien longtemps avec ta mère. Comment ? Mais je viens de ramener Anna de chez M. Ashley. Elle n'a fait que demander si son père était rentré et elle est repartie. Elle avait un message, m'a-t-elle dit, de Marguerite Ashley pour ta mère. » « Madame Ashley n'envoie pas de message à ma mère, dit William avec surprise. Elles se connaissent à peine. Elle lui en aura envoyé un ce soir, persista Patience. Pourquoi la petite serait-elle sortie ? Ce n'est pas qu'Anna n'aille chez vous tous les soirs. Je crains souvent qu'elle ne dérange ta mère. Elle ne reste jamais assez longtemps pour cela. Quand elle vient, ce qui est bien rare, elle ne fait qu'entrouvrir la porte. Comment te portes-tu, amie Jane Halliburton ? Fait-elle, et elle repart. Il se peut que tu n'y sois pas, William. Je te dis qu'elle ne reste jamais moins d'une heure chez vous. Je le répète qu'un de ces soirs, ta mère lui fera comprendre qu'elle peut se passer de sa société. William partit. De curieuses pensées lui passaient par la tête. Il savait qu'Anna n'allait pas chez eux aussi fréquemment que l'affirmait Patience, et qu'elle restait à peine 2 minutes quand elle venait. Il était persuadé qu'Anna n'était pas chez sa mère en ce moment-là, qu'elle n'y avait pas été, et cependant Patience lui disait « Renvoie-moi Anna !»« Anna est-elle venue ici ? » demanda-t-il en entrant. « Anna, non !» Il attendit quelques minutes pour ne pas éveiller l'attention, puis il sortit et alla au jardin. Un soupçon pénible venait de s'élever dans son esprit. Il ne l'aurait pas eu s'il n'avait cru remarquer certains signes d'intelligence entre Herbert Dare et Anna. Il ne les avait pas compris alors, il craignait de trop bien comprendre maintenant. Ouvrant la porte du jardin qui conduisait à la prairie communément appelée le champ de Hatterley, il regarda avec précaution. Pendant quelques minutes, il ne distingua rien. La haie était épaisse des deux côtés, mais quand ses yeux se furent accoutumés à l'obscurité, il aperçut Herbert Dare et Anna, tantôt faisant quelques pas, tantôt s'arrêtant pour causer plus à l'aise. William poussa un profond soupir. Il voyait bien que ce n'était pas la première fois qu'il se promenait ainsi. Était-ce donc là l'explication du fameux manteau qui avait paradé l'hiver précédent sur le même sentier ? Était-ce donc ainsi qu'Anna employait le temps qu'au dire de Patience, elle passait chez Madame Halliburton ? Ah, si Anna avait pu prévoir l'avenir ! Certes, ce devait être très agréable, très romanesque même, de tromper la vertueuse Patience. De se promener ainsi avec Herbert, de l'écouter assurer qu'il ne s'inquiétait de personne au monde autant que d'elle, qu'il n'avait jamais aimé et n'aimerait jamais personne qu'elle. Mais c'était en même temps se préparer une punition terrible. William privit tout cela, et au milieu de ses pensées domina le souvenir de l'attachement si mal placé de Henry. Poussant un autre soupir, presque un gémissement, car Herbert ne portait bonheur à personne, William le savait. Il s'avança vers eux. Soit qu'ils eussent distingué des pas, soit qu'ils jugeassent le moment de la séparation venue, Herbert avait disparu avant que William les eût atteints, et Anna retournait chez elle en courant. Quand William se plaça sur sa route, elle se jeta du côté en poussant un cri perçant. Il ne l'avait donc pas entendu. « William, est-ce toi ? Tu m'as fait une peur affreuse ?»« Anna, » dit-il gravement, « Patience vous attend. »« Oh, William, tu n'as pas été chez nous !» s'écria-t-elle, saisie de crainte. « Tu n'as pas été me chercher !» Ils avaient atteint la porte de la maison. Il s'arrêta, lui prit la main, et d'une voix calme, « Anna !» Je vous parle comme à ma sœur, s'il avait vécu et qu'elle eût commis pareille imprudence. Seulement avec elle, je ne me serais pas contenté de parler, j'aurais agi. Quel mensonge, Herbert Dare, vous fait-il à croire? As-tu été chez Patience? As-tu été chez Patience? Répétait Anna. Patience ne sait rien. Elle vous croit chez nous. Je vous demande, Anna, quelle folie Herbert vous débite. Anna, soulagée de sa frayeur, secoua la tête d'un air impatienté. Il ne me fait pas de compte. Il ne me trompe pas. Anna, écoutez-moi. En lui, tout est faux. Il n'a ni franchise, ni loyauté, ni honneur. Herbert prétend-il vous aimer? Je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas t'entendre parler contre Herbert. Anna, continua-t-il plus bas, vous devriez avoir peur de Herbert. Il est méchant. Ce que tu me dis est inutile, répéta-t-elle en se bouchant les oreilles. Herbert est un excellent jeune homme. Alors, Anna, puisque vous le voyez ainsi en cachette, j'informerai votre père et Patience de ce que j'ai vu. Si vous ne voulez pas vous tenir vous-même à l'écart du mal, ils vous y obligeront. Anna fut terrifiée. Comment peux-tu parler ainsi, William? Que veux-tu qu'il m'arrive? Je ne fais pas plus de mal en causant ici avec Herbert que lorsque je suis dans le salon de Margaret Ashley. Ma chère enfant, vous ne comprenez pas les choses. Le seul fait de quitter votre maison pour vous promener avec lui vous ferait un tort incalculable aux yeux du monde. Et je suis sûr que Herbert ne peut vous faire aucun bien, ne rien vous apprendre de bon. Dites-moi, Anna, l'aimez-vous? Moi, pas du tout. Non? Alors pourquoi vous promenez-vous avec lui? C'est si amusant de tromper Patience. Oh, Anna! C'est bien mal. Savez-vous ce que vous m'avez dit, que vous ne l'aimez pas? Mais non, je ne l'aime pas. Je le trouve très gentil. Il m'a donné un joli médaillon. Mais voilà tout. William, tu ne le diras pas. Continua-t-elle en se penchant à son bras, en prenant un ton suppliant, à mesure que la terreur qu'elle avait essayé de cacher par ses paroles légères s'emparait d'elle. William, tu es bon. Tu ne le diras pas. Je te promets de ne plus jamais, jamais aller trouver Herbert. Ce serait pour votre bien que je parlerai, Anna. Comment puis-je savoir que vous tiendrez parole? Je te le promets, je ne reverrai plus Herbert. Ne peux-tu donc pas me croire? Il l'a cru. Les yeux d'Anna étaient humides de larmes, ses jolies mains s'attachaient au bras de William. Il aimait beaucoup Anna. Il n'aurait pas voulu lui faire de la peine sans nécessité absolue. Je compte sur vous, Anna, croyez-moi. Vous ne pourriez avoir à Helstonleigh d'amis plus perfides que Herbert. J'ai votre parole. Oui, et j'ai la tienne. Il passa le bras d'Anna sous le sien et la reconduisit jusque chez elle. Patience, debout sur le seuil, attendait. « Je vous ramène la petite coureuse, » dit-il. « C'est fort heureux, » répondit Patience. « Je me disposais à l'aller chercher. Anna, tu es pire qu'une enfant. T'en allais de la sorte. » William ne connaissait pas assez Anna pour être au courant de son caractère. Il ne savait pas qu'elle pouvait être trompeuse quand l'envie lui en prenait. Il avait confiance en sa parole. Cependant, quand il en vint à réfléchir, il crut nécessaire de lancer un mot d'avertissement à Patience. Il chercha à avoir Patience seule le jour suivant. Elle commença par lui parler de la soirée de la veille chez les Ashley. « Oui, » dit William, « notre soirée a été très agréable. Elle aurait été encore plus agréable sans la présence de Herbert Dare. »« Je n'aime pas les Dare, » dit Patience avec froideur. « Moi non plus. » »« Mais j'ai remarqué quelque chose, Patience, c'est qu'il admire Anna. Si Anna était ma sœur, je ne tiendrais pas à la voir l'objet de l'admiration de Herbert Dare. Prenez garde à elle. » Patience le regarda en face. William continua d'un ton confidentiel. « Vous savez ce que Herbert Dare, Patience, vous savez qu'il aime mieux le mal que le bien. Anna est étourdie. Vous le répétez vous-même 20 fois par jour. À votre place, je la garderai sous mes yeux. Je ne lui permettrai pas de courir chez nous le soir. Comme elle aime tant à le faire, » ajouta-t-il avec une emphase marquée. « Elle est aussi en sûreté chez nous qu'ici. Mais c'est lui donner un amour de la liberté qui pourra lui être funeste. Quand elle vient, envoyez grâce avec elle ou amenez-la vous-même. Je la raccompagnerai. Dites-lui qu'elle est une grande demoiselle maintenant et qu'il n'est pas convenable qu'elle sorte seule, » acheva-t-il en riant. « William, je ne te comprends pas. As-tu des raisons pour me dire cela? Tout ce que je vous recommande, Patience, c'est de la tenir à l'écart du mal, de liaison peu désirable. Si Anna s'attachait à M. Herbert, ce ne serait pas agréable sans doute à M. Lynn. Il ne tiendrait pas à voir le mariage d'Anna avec un Dare. « Anna se marie avec un Dare ? » exclama Patience. « Perds-tu la tête, William ? » ?»« Ses attachements conduisent quelquefois au mariage. Je vous le répète, faites attention à elle. » »« Je crois comprendre. Je te remercie beaucoup, William. »